Mon enfance a les symptômes de l'ado qui craque. L'ado qui crache, je frôle le train, dites à la mif, je me casse. J'ai chargé la feuille de pilon, tout de suite je me sens plus relax. Besoin de quitter la réalité, ce monde a un goût dégueulasse. Envie de casser des gueules, mieux vaut je me barre. Demande à mes semblables, à l'époque on se tapait v'là les bars. Tout ça a bien changé, certains sont coincés dans les roues. D'autres après leur rail de coke joueront les super héros. Tout ça n'est pas fictif, pourtant ma parole, la vie, je kiffe la mif. Je risque d'avoir les larmes aux yeux après ce récit triste. Face à tout ça, on me dit négro, tu veux buzzer, faudra plus de clics. Qu'est-ce j'en ai à foutre ce que je te rédige, je sors du fond de mes tripes. Les mots du cœur sont hors jeu, fuck l'ego trip. Et l'ingé met de la couleur sur mes voix. Les scènes de ma vie sont bien trop graves. Des mots, des rappes de mes mots, nos cœurs s'engouffrent. Sous les décombres de la déception, plus d'un en souffre. Concentré d'atrocité à te couper le souffle. Les mots du cœur riment avec la douleur qui m'étouffe. J'gratte des mots, des rappeux de mes mots, nos cœurs s'engouffrent. Sous les décombres de la déception, plus d'un en souffre. Concentré d'atrocité à te couper le souffle. Les mots du cœur riment avec la douleur qui m'étouffe. Avoir l'impression de garder ce sourire forcé. Ma douleur a jeté l'encre, texture atroce. Et dans les abysses, la réussite m'envoie des signaux morts. C'est t'étonne pas que ma musique soit si corsée. Pour mieux apprécier le bonheur, j'ai dû morfler. Insomniaque, j'ai du mal à fermer l'œil, la solitude remet d'accord. C'est pas que des faces, les mots du cœur, les mots mes cœurs parfois. Mélancolique, j'abrite la tristesse sous mon toit. Je galoche la langue de Molière sans pratiquer la langue de bois. La réflexion me sert d'appui tête, la vie me guette de vertra. Lâche kick sec, entre tease et règle. Je garde un œil sur la comète, t'inquiète pas vieux. Dans la caboche, ça sonne pas creux. Ma revanche est conservée au fond du congèle, assumer l'enjeu. Quand les sentiments sont bannis, ça devient dangereux, dangereux, dangereux, dangereux. J'gratte des mots, des rappes de mes mots, nos cœurs s'engouffrent. Sous les décombres de la déception, plus d'un en souffre. Concentré d'atrocité à te couper le souffle. Les mots du cœur riment avec la douleur qui m'étouffe. J'gratte des mots, des rappes de mes mots, nos cœurs s'engouffrent. Sous les décombres de la déception, plus d'un en souffre. Concentré d'atrocité à te couper le souffle. Les mots du cœur riment avec la douleur qui m'étouffe. Nos récits, je récite, certains ont baissé les bras, faut que tu saisisses. À survivre dans la crasse, logique de se réveiller dans ces sales draps, ces sales drames. À ce stade, je rame un crash-tête où la plupart refusent la bataille. En bas, je caille les cerveaux anesthésés, vois-tu la pagaille. Ici, ça demande plus d'aide, la plupart sont wanted pour la maille. Sur le podium, y'a que le revers de la médaille, système D pour pas rester sur la paille. J'gratte des mots, des rappes de mes mots, nos cœurs s'engouffrent. Sous les décombres de la déception, plus d'un en souffre. Concentré d'atrocité à te couper le souffle. Les mots du cœur riment avec la douleur qui m'étouffe. J'gratte des mots, des rappes de mes mots, nos cœurs s'engouffrent. Sous les décombres de la déception, plus d'un en souffre. Concentré d'atrocité à te couper le souffle. Les mots du cœur riment avec la douleur qui m'étouffe.